Quoi de neuf à Grand Quartier ? Vous m'entendez ? Je peux pas parler fort, mais j'ai un pactole à vous proposer. En petite coupure. Le plan est simple. Jusqu'au 16 septembre, vous allez sur mongrandquartier.com et vous trouverez plus de 50 bons de réduction pour la rentrée. C'est du tout cuit. Chut, n'en parlez à personne. Grand Quartier, chaque jour à vos côtés. Super U, Cultura, Boulanger, Mango, Sport 2000, Kiabi, 110 boutiques à Saint-Grégoire. France Inter. Ouais, je viens d'écouter l'émission sur Hulk. Bon, ça met en colère parce que là, je dois tout re-regarder. J'ai envie de regarder les films, les séries. Et là, j'ai pas le temps. Je sais pas comment je vais faire. Je suis pas content, je suis en colère. Merci quand même. Not to be. Pourquoi les héros des films d'horreur sont rarement des personnes âgées ? Oui, je sais, ils courent moins vite, donc pour échapper à Jason ou Mike Myers, déjà ça pose problème. Non, je vous pose la question très sincèrement, parce que pourquoi les principaux protagonistes des slashers, des films de possession démoniaque, sont dans leur écrasante majorité des acteurs et actrices de 25 ans qui font croire qu'ils en ont 17 ? Est-ce que c'est pour confronter une certaine idée de l'innocence au mal absolu ? Est-ce qu'une vieille dame qui aurait connu les horreurs de la guerre, les nazis, la guerre froide, les problèmes de santé liés à un corps qui vieillit, serait finalement plus difficile à effrayer qu'un jeune qui a toute la vie devant lui ? Est-ce qu'à un niveau inconscient de cynisme, le spectateur ne se dirait pas « Bon, de toute façon, au pire, ok, il lui reste que 5 ans ». Un peu comme quand on s'est habitué si vite à ce que le Covid touche plus sévèrement nos aînés ? Ou alors, c'est tout simplement que les films d'horreur sont un genre plébiscité par les plus jeunes, donc il y a l'envie de leur mettre des héros auxquels ils peuvent s'identifier. Moi, qui suis arrivé à un âge où je suis le seul à encore m'imaginer jeune, je dois avouer que je suis désormais totalement blasé devant un film d'horreur. Hérédité, Midsommar, Get Out et autres Insidious sont loin de m'avoir mis dans le même état que L'Exorciste, Hellraiser, Le Prince des Ténèbres ou The Thing, que j'ai vu durant mon adolescence. Je vois de très jolis films d'auteur, bien joués, très maîtrisés, qui empruntent au style de l'épouvante pour mieux démontrer la virtuosité du réalisateur, mais qui oublient de me prendre aux tripes comme leurs ancêtres avaient su le faire. Peut-être que je me trompe, me direz-vous. Peut-être que, comme le disait Danny Glover dans L'Arme Fatale, je suis trop vieux pour ces conneries. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Une, deux, Freddy te comprend, deux, trois, quatre, remonte chez toi, quatre à quatre, cinq, six, n'oublie pas ton crucifix, sept, huit, surtout ne dors plus la nuit, neuf, dix, il est caché sous ton lit. C'était vachement flippant. Même réveillée, je croyais le sentir là, dans ma chambre. Une, deux, Freddy te coupera en deux, ça devait être lui. C'est ça, c'était comme le truc qu'on chantait quand on était petite. C'était l'enfer, j'ai jamais fait un cauchemar pareil. Ben ça c'est marrant, j'en ai fait un moi aussi, figure-toi. Et moi ce matin, je me suis réveillée en bandant pour toi. Et ton nom était gravé sur ma queue. Ah oui, eh bien Tina, je te rappelle que c'est un mot de 4 lettres et sur ton machin, il n'y a pas assez de place. Hé, je me casse, tu me fous vraiment les boules. Bonjour la classe. Il est dingue, il est fou. Enfin bref, j'ai pas pu me rendormir cette nuit. Et toi, raconte. Parlons d'autre chose. C'est pas la fin du monde, un cauchemar. Ça sert à rien de s'affoler. C'est normal. La prochaine fois que t'en fais un, tu n'as qu'à te dire « je suis en train de rêver ». À ce moment-là, tu te réveilleras. Pour moi, ça a marché. En 1984, le cinéma, par l'intermédiaire de Wes Craven, invente un nouveau type de croque-mitaine. Un tueur au visage de grand brûlé, vêtu d'un chapeau et d'un pull rouge et vert, qui porte à la main droite un gant prolongé par quatre griffes. Ce tueur en série a pour terrain de chasse les rêves des adolescents d'Elm Street et va devenir pendant toute une décennie une icône du film d'horreur. Une réussite et une franchise qui va faire naître de nombreux talents essentiels de l'industrie du cinéma, mais aussi un studio, New Line, qui finira par rendre possible l'adaptation sur grand écran du Seigneur des Anneaux. Pour comprendre ce que le monde du cinéma doit à Freddy Krueger, j'ai avec moi Alexandre Poncet, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur du Mad Movies hors-série La Saga Freddy, co-réalisateur du documentaire Le Complexe de Frankenstein et conservateur du musée cinéma et miniature de Lyon. Absolument. Merci pour l'invitation. De rien. Avec nous également Stéphanie Chaptal, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, autrice et traductrice et vous êtes fan de films d'horreur et d'imaginaire. Tout à fait. Avec nous également Gilles Panceau, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-réalisateur du documentaire Le Complexe de Frankenstein, co-auteur du livre Mad Dreams and Monsters et auteur de Steven avant Spielberg chez Michel Vallafon. Tout à fait. Et avec nous, Anne-Pauline, bonjour. Bonjour. Vous êtes une fervente fan de films d'horreur et de Vin Diesel, également blogueuse littéraire sur Happy Reading. Tout à fait. Vous savez qui est qui ? Allez, et maintenant surtout, quoi qu'il se passe durant cette émission, ne vous endormez surtout pas. Quand j'avais, je crois, à peu près 7 ans, j'étais sur le point de m'endormir et j'ai entendu ce bazar qui venait du trottoir en bas. Ça marmonnait. Et je suis allé à la fenêtre. On vivait au premier étage avec ma famille à Cleveland et il y avait cet homme qui ressemblait assez à Freddy tel qu'on le connaît maintenant. Et maintenant, je me rends compte que c'était certainement juste un mec bourré. Mais à l'époque, il était cette silhouette obscure et il s'est arrêté et il a regardé directement la fenêtre et il a planté son regard dans le mien. Alors je ne sais pas comment il a su qu'il fallait s'arrêter pile là, comment il savait qu'un gamin regardait, mais en tout cas, c'est ce qu'il a fait et ça m'a coupé net la respiration. Et je me suis éloigné de la fenêtre pendant qu'il continuait à me fixer jusqu'à ce qu'il ne puisse plus me voir et je suis resté là dans l'ombre et j'ai compté. Et je ne sais pas, j'ai dû compter jusqu'à 100 ou 200, peu importe, mais je ne l'entendais plus. Et je me suis dit, il a dû partir maintenant, mais je l'aurais entendu s'il avait bougé et je suis retourné voir et il était là, à me fixer encore plus intensément. Et là, il s'est mis en mouvement et a avancé sur le trottoir, toujours en me surveillant par-dessus son épaule. Et il a tourné au coin de la rue vers l'entrée de notre immeuble que je ne pouvais pas voir. Et je me souviens avoir couru dans l'appartement, dans le noir, jusqu'à la porte d'entrée pour y coller l'oreille. Et j'ai entendu la porte d'en bas s'ouvrir. Et là, j'ai réveillé toute la maisonnée, tout le monde dans l'appartement. Et mon frère est descendu voir avec une batte de baseball. Mais le temps que je réveille tout le monde, avec l'agitation et tout, ce mec avait disparu. Mais ce souvenir est devenu l'essence de Freddy. On vient d'entendre Wes Craven évoquer la naissance dans son esprit de Freddy Krueger. Mais Anne-Pauline, alias Happy, qui est Freddy ? Alors Freddy, c'est une forme onirique du grand méchant du film, du genre d'horreur, excusez-moi. C'est pire que ça, c'est un tueur qui... n'a pas d'emprise dans la réalité puisqu'il n'existe que dans les rêves et donc ça devient un tueur qui est impossible à attraper, impossible à combattre. Autant un tueur en série qui a une présence physique dans le réel, on peut se sauver, on peut se cacher, on peut partir en courant. Autant quand on est dans le monde du rêve, on est dans le monde de Freddy, il le dit souvent dans tous les films, on est « this is my world ». Et ça en fait une figure absolument horrible. Moi, pendant très longtemps, j'ai été traumatisée par ce Freddy qui, justement, ne peut vous attraper, ne peut vous tuer que dans vos rêves, un endroit où on n'a aucun contrôle. Et c'est en plus une figure horrible physiquement, parce que non, il a une espèce de masque, mais il en a pas vraiment, parce que c'est sa peau qui est brûlée, donc il est pas vraiment caché. C'est des fringues improbables, cette espèce de pull à rayures vert et rouge. Alors en plus, c'est les couleurs de Noël, c'est censé être chaleureux, mais alors pas du tout. Et la Fashion Police a laissé courir Freddy. Oui, là, non, ça va pas du tout, c'est à moitié brûlé, on sent que ça pue aussi un peu, c'est miteux, c'est pas fou sur le fashion. Donc vraiment, c'est un personnage absolument horrible, du début à la fin, de son être le plus essentiel jusqu'à l'extérieur. Stéphanie Chaptal, vous avez découvert Freddy à quelle occasion ? Alors moi, ça devait être, je pense, au Jeudi de l'angoisse, ou alors dans le club VHS du comité d'entreprise de mon père. D'accord, et c'est avec quel numéro, quel Freddy, le premier ? C'est pas le premier. Le premier, donc les griffes de la nuit. D'accord. Et donc vous aviez quel âge ? Je devais avoir 12-13 ans. Ah, c'est tôt, hein ? Eh oui, mais c'est un des premiers films d'horreur. C'est le genre de choses qu'on regarde en se disant eh, « T'as vu ? Moi, j'ai vu Freddy. J'ai vu Evil Dead, j'ai vu... » C'était la grande conversation dans le collège. Qui avait vu quoi ? Et comment a été la réception ? Parce que moi, je sais que j'ai eu exactement ce même genre de moment, mais la nuit qui suivait le visionnage de ces films était souvent assez chaotique. Alors, j'ai déjà un avantage, je suis insomniaque. Ah ! Ça aide. Donc, Freddy a peu de moments pour m'attaquer. Et puis j'avoue qu'effectivement, il faisait peur, mais c'était tellement agréable d'avoir peur. Anne-Pauline, vous aviez quel âge quand vous avez découvert Freddy ? Alors moi, c'était un peu plus tardif. Mon entrée dans le film d'horreur est assez tardive aussi, parce que je les ai découverts en décalé, parce que moi je suis la génération plus 90. Et j'ai découvert, lors d'une soirée pyjama avec des copines sur cassette, le premier Scream en fait. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le film d'horreur. Du même réalisateur, Wes Craven, tout à fait. Et en fait, pendant une très longue période de temps, où on n'avait pas cet accès à Internet facile aux médias, j'étais seule dans mon univers de « j'ai vu Scream, j'adore, mais qu'est-ce que je peux trouver autre pour me faire peur ?» Et donc ça a été plus tardif, c'était avec les vidéos futures, feu les vidéos futures. À l'époque, mon père m'emmenait tous les week-ends et me disait « vas-y, tu choisis ce que tu veux ». Et d'instinct, j'allais vers le rayon film d'horreur, parce que c'est des choses qu'on n'a pas accès facilement, parce que soit faut rester très tard le soir pour regarder la télé, et faut se cacher des parents la plupart du temps, ou alors faut aller chez les copains, copines, qui ont des grands frères, des grandes sœurs, qui ont les cassettes. Et je pense que c'est comme ça que j'ai dû récupérer, je crois que le tout premier, en plus, j'ai dû prendre Freddy contre Jason à l'époque. Parce que moi, j'étais vraiment fan de Jason Voorhees, les Vendredis 13 étaient ma saga préférée. Et j'ai dû prendre celui-là. Je resitue pour les auditeurs, c'est Jason, c'est cet homme très très costaud qui a un masque de hockey, ouais, et une machette. Voilà. C'est après, rien que cette description-là, voilà, vous imaginez le reste. Il n'aime pas trop le camping. Voilà, et puis il n'aime pas les jeunes qui s'amusent. Voilà, c'est ça. Vous savez, le voisin qui n'aime pas quand ça fait trop de bruit, et ben voilà, c'est Jason, mais il est un peu plus proactif. Il n'aime pas les gens qui s'aiment, en fait. Il n'aime pas les couples. Non. Voilà. Du coup, j'aimais bien ce personnage. Non, je rigole. Mais du coup, ouais, je pense que c'est comme ça que j'ai fait mon entrée avec Freddy. Et du coup, par principe, je le détestais parce que c'était l'ennemi de Jason. Et du coup, on touche pas à Jason parce que moi, j'aimais bien Jason. Et du coup, ça a été vraiment un peu à reculons que j'ai découvert Freddy. J'ai découvert pas dans l'ordre, un peu chaotique. J'ai toujours eu un côté un peu haineux, facile, en fait, de ce qu'était la saga par rapport, en fait, à d'autres films d'horreur que j'aimais beaucoup, donc qui était la saga Vendredi 13 et Halloween, parce qu'il y a un côté... Enfin, ça n'a pas le même ton, en fait. Non, c'est pas du tout les... C'est pas du tout le même ton, et du coup, je pense que Freddy, je l'ai découvert vraiment en dents de scie, comme ça, à reculons. Alexandre Poncet, votre rencontre avec Freddy, ça s'est passé comment et à quel âge ? Alors moi, je regardais très tôt, très très jeune, des films d'horreur avec mes grands frères. Donc voilà, j'ai des frères un peu plus grands et on regardait les mêmes films. Donc j'ai vu Freddy, Les Griffes de la Nuit en VHS à 8 ans. Même année, j'ai vu Robocop, Evil Dead 2, L'Aventure Intérieure, Predator, enfin des films très poétiques. Après, oui, je suis totalement sain d'esprit et ça a changé ma vie et je fais du cinéma aujourd'hui. Grâce à ça. Donc ça va, c'était peut-être... Par contre, je conseille pas forcément à tout le monde de montrer à un enfant de 8 ans Les Griffes de la Nuit. Non, ça a été marquant parce que il y a une mythologie en fait dans Freddy et je pense que déjà à l'époque ça m'intéressait. Maintenant, je peux mettre des mots dessus, mais il y a quelque chose qui tient de la légende urbaine. On a entendu dans l'extrait d'ouverture ce 1-2 Freddy de Coupera, voilà, 1-2 Freddy de Coupera, la fameuse comptine. En fait, il y a quelque chose de très intéressant qui rejoint l'œuvre de Clive Barker et qui a été adapté notamment avec Candyman. On parle des légendes urbaines. Freddy, en fait, se nourrit de la peur. Je précise aussi pour les auditeurs que Candyman, cette légende urbaine, c'est que si jamais on répète Candyman un certain nombre de fois devant un miroir, il apparaîtra derrière vous et ça sera la dernière chose que vous verrez. Absolument. Et en fait, la seule manière de se débarrasser de Freddy, c'est de ne plus avoir peur de lui. Et c'est quand même une idée très très forte, c'est une idée qui m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant, quand je l'ai découvert. Quand même, Nancy, l'héroïne à la fin, lui tourne le dos et décide de ne plus avoir peur de ce symbole du mal. Et en fait, Freddy crée la peur, donc crée le mal, fait se propager le mal autour de lui. Et si on tourne le dos à la peur, voilà, le mal est moins fort. Ça a des résonances qui vont bien au-delà du cinéma d'horreur. Et voilà, j'ai toujours trouvé ça absolument passionnant. Gilles Ponceau, moi j'aimerais savoir aussi comment ça s'est passé votre rencontre, c'est arrivé avec quel film et à quel âge ? Ça s'est passé très bien, avec Les Griffes de la Nuit, donc le tout premier, récupéré dans un vidéoclub. C'était l'époque où toutes les semaines j'allais avec un bon copain du lycée dans le vidéoclub du coin récupérer les films d'horreur qu'on ne pouvait pas voir au cinéma. Donc c'est comme ça que j'ai vu Massacre à la tronçonneuse. Alors j'étais plus âgé, hein, j'avais pas 8 ans, hein, j'étais plus dans mes 17 ans, je pense, ou 18 ans. Je suis beaucoup plus vieux que vous tous aussi, hein, il faut dire. Mais non. Donc bon, là, il y avait des tas de films d'horreur, zombies, Suspiria, Evil Dead. Donc j'étais déjà bien nourri par le cinéma d'horreur. Et les griffes de la nuit, ce qui est bizarre, c'est qu'a priori, on pourrait se dire que c'est un medley de tout ce qui existe déjà. Des jeunes qui se font tuer, comme dans Vendredi 13 ou comme dans Halloween. Un personnage principal qui a peur de s'endormir, ça, on connaissait déjà ça dans la science-fiction. Il y avait un film qui s'appelait L'invasion des profanateurs de sépultures. Il fallait surtout pas s'endormir, sinon les extraterrestres prenaient possession de votre corps. C'était quelque chose qu'on connaissait aussi. Même cette histoire d'interaction entre le monde du rêve et le monde de la réalité existait dans un film qui est sorti quasiment en même temps que Les griffes de la nuit, que j'avais vu avant, qui s'appelle Dreamscape. Qui est presque un ancêtre d'Inception quelque part, puisqu'on pouvait engager quelqu'un pour aller dans le rêve de quelqu'un et le tuer dans son rêve. Donc tout ça existait déjà. Et pourtant, Les griffes de la nuit, c'est un film que j'ai trouvé très original parce qu'il agençait tous ces éléments connus de manière complètement nouvelle. Et en plus, c'est une époque particulière où moi, je notais mes rêves. J'étais un peu passionné par le monde des rêves, donc j'essayais de noter. Et je me suis dit, après Les griffes de la nuit, qui m'a fait forte impression, même si j'étais déjà un ado presque adulte, je me suis dit, je vais rêver de Freddy cette nuit, c'est sûr. J'en ai absolument pas rêvé. Il est revenu me hanter, mais plutôt dans la journée. Et j'y ai beaucoup repensé. Donc, c'est ma première rencontre avec Freddy. C'était Les griffes de la nuit. Stéphanie Chaptal, vous les avez tous vus ou vous en avez vu que quelques-uns? Alors, j'ai vu tous les Freddy originaux. J'ai vu le remake, hélas. Oui, nous, on est tous d'accord. J'ai vu quelques exemplaires de la série. Il me manque Freddy contre Jason, parce que justement, je suis plus Freddy que Vendredi 13. Ah là là, vous ne voyez pas Happy, mais elle, Dodeline, elle secoue la tête de droite à gauche. Ah, oh, mais non, on ne s'attaque pas à Jason, c'est comme un Halloween. Ah, vous préférez Halloween, c'est ça? J'aime beaucoup Freddy, j'aime beaucoup Mike Myers. Mais dire lequel des deux, non, on ne peut pas décider entre Wes Craven et John Carpenter. Et est-ce que vous avez un Freddy préféré? Alors, Les griffes de la nuit, parce que c'est le premier que j'ai découvert. Et j'aime aussi beaucoup le deuxième. Avec Jesse? Oui, parce que justement, c'est un fan Hellboy. Alors, là, il faut que vous précisiez ce que c'est. Alors, dans les films de slashers, il y a souvent le concept de la final girl. Donc, dans la série Freddy, dans le premier, c'est Nancy. C'est la fille un peu réservée, propre sur elle, qui ne meurt pas à la fin et qui va détruire le slasher. Et Freddy 2, donc la revanche de Freddy, c'est le premier cas où la final girl est un garçon, est un jeune ado, donc on comprend plus qu'il est homosexuel, et donc qui est un peu réservé à l'écart de ça, mais c'est lui qui va se débarrasser de Freddy. Avec l'aide aussi de la jeune fille quand même. Avec l'aide de la jeune fille, mais c'est lui à la fin. Et c'était une façon de refaire le mythe du slasher qui était intéressante. Mmh, tout à fait. Bon, alors, quand j'étais petite, la première fois que je l'ai vu, ça m'a complètement passé au-dessus. C'est clair, j'ai juste vu, c'était super marrant. Il y avait en plus toute une partie où c'était dessiné, c'était génial. Mais après, quand je l'ai revu adulte et que je l'ai montré à ma fille ado, ah ouais, le sous-texte est... Oui. Alors, ce qui est assez intéressant avec les Freddy, et en les revoyant pour préparer cette émission, c'est ça qui m'a frappé, c'est que par rapport au rythme d'autres films d'horreur, les Freddy sont extrêmement rapides. C'est-à-dire qu'on est tout de suite dans le feu de l'action. Il y a même pas vraiment de temps où on fait monter comme ça à l'assaut. Genre, est-ce qu'il y aurait une légende urbaine? Est-ce que Freddy existe? Ah non, il existe, il est là. Et ça commence, il y a vraiment une idée dont on ne perd pas de temps, Alexandre Poncet, dans les Freddy. Bah en fait, c'est lié à l'économie du film. Il faut savoir que Freddy, c'est la première vraie production d'une société qui s'appelle New Line Cinema, qui, des années plus tard, produira Le Seigneur des Anneaux. Société créée par Robert Shea, qui avant Freddy, il avait coproduit un film qui s'appelait Alone in the Dark, de Jack Shoulder, qui sera le réalisateur de Freddy 2. Et surtout, il distribuait des films dans le réseau universitaire, en fait. Ils ont distribué Evil Dead, Pink Flamingo, de John Waters, dans le réseau universitaire. Et Robert Shea voulait passer vraiment à la production. Et un ami à lui lui a conseillé de rencontrer Wes Craven. Donc il est allé à Los Angeles et il a un petit peu harcelé Wes Craven, qui ne voulait pas le rencontrer. Et Craven a fini par lui dire « J'ai cette idée de si on vous tue dans le rêve, on vous tue dans la réalité. » Shea a adoré, il a réussi à faire ce contrat avec Craven. Il a mis en hypothèque sa propre maison pour pouvoir lancer le film. Ça a été très complexe. Mais c'est un film vraiment à petit budget, tourné en pas très longtemps, quelques semaines, avec le budget qui s'est effondré au milieu du tournage. Les techniciens ont failli partir sur d'autres films parce qu'ils n'étaient plus payés. Ils ont trouvé un investisseur vraiment au dernier moment, un investisseur yougoslave qui a payé la moitié du budget. On était à 1,5 million de dollars de budget. Donc c'est un film qui ne peut pas s'éparpiller. Et faut savoir que Robert Shea et son assistante Sarah Richer ont beaucoup encadré Wes Craven pour rendre le script beaucoup plus efficace. Et aussi pour un petit peu renforcer le côté genre, notamment la fin du film, n'était pas du tout prévue comme ça. C'était une fin très métaphorique où l'héroïne sort de la maison, il y a le soleil et c'est fini. Et en fait, Robert Shea a insisté pour avoir une fin en plus Frankenstein avec quelque chose qui se passe, une main qui sort. Avec la voiture. La voiture aux couleurs du pull de Freddy. Donc effectivement, on est dans une efficacité absolue, mais qui n'empêche pas du tout la richesse thématique de l'œuvre, parce que Wes Craven, c'est un philosophe, c'est un professeur il a eu une vraie carrière de professeur avant de tout plaquer et de passer dans le cinéma. Et il a même travaillé sur des films pornographiques en tant que technicien. Et il a fait des petits films d'horreur qui ont un petit peu marqué l'opinion publique. Et ensuite, il est arrivé avec Freddy qui a vraiment marqué une étape supérieure dans sa carrière. Mais on sent vraiment ses envies philosophiques. La fameuse dernière maison sur la gauche, oui. Ce n'est qu'un film, disait l'affiche. Oui, oui. Ce n'est qu'un film. Oui, mais qui marque encore les esprits encore aujourd'hui. Hein. Ah oui, tout à fait. Oui. Gilles Penceau, qu'est-ce qui différencie Freddy des autres croque-mitaines, selon vous? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, ça a été dit tout à l'heure, c'est un croque-mitaine un peu particulier parce qu'il n'agit pas dans notre réalité. Dans un autre pan de réalité, c'est la réalité des rêves. Donc en fait, il n'est pas dans notre univers physique, donc a priori, il est très compliqué à appréhender autrement que dans les rêves. Et c'est le rêveur finalement qui va devoir être maître de son sommeil pour pouvoir sans doute lutter contre lui. C'est tout le sujet du 3, par exemple Freddy 3, où on monte carrément une armée d'ados qui vont essayer de se battre contre Freddy dans le monde des rêves. Et puis c'est un blagueur, c'est un sale gosse en fait, c'est un clown un peu, c'est presque le clown de Stephen King, c'est-à-dire que d'habitude les croque-mitaines, ils sont cachés derrière un masque et puis ils ont la démarche pesante, un peu comme Boris Karloff dans La Momie ou dans Frankenstein, ils avancent tout doucement, ils disent rien. Ou Jason, exactement, ou Mike Myers, Michael Myers, c'est pas le même. Il m'appelle Mike maintenant. Oui, c'est un copain, c'est Mike. Alors que Freddy, lui, se marre tout le temps, surtout à partir du 2 et du 3, parce que dans le 1, pas tellement, en fait. On se souvient surtout du comportement de Freddy et de son attitude à partir du 2 et du 3. Mais dans le 1, c'est moins un blagueur. Il fait un peu plus peur. On voit moins son visage, d'ailleurs. Alors, on le voit moins, mais dès sa première véritable attaque, on le voit par exemple étendre ses bras comme une sorte de clown dégingandé. Et donc il y a déjà dans son ADN de base cette idée que dans le monde des rêves, il va prendre des formes différentes qui changeaient de ce qu'on voyait à l'époque. Absolument. Bah, c'est un personnage qui apparaît dans le monde des rêves. Donc c'est un personnage purement fantastique. Michael Myers et Jason sont devenus des personnages fantastiques, mais ils ne l'étaient pas au début. Au début, c'était des êtres humains qui tuent, des psychopathes. Ensuite, c'est devenu des personnages complètement fantasmagoriques, qui ne meurent pas, ce sont des morts vivants. Freddy, d'emblée, c'est un personnage fantastique. Et il a ce côté hérité des contes de fées, c'est l'ogre, le croque-mitaine et la sorcière, parce que quand on regarde son visage, il a un visage de sorcière. Enfin, l'une des influences de son maquillage, surtout celui de Kevin Yeager à partir de La Revanche de Freddy, c'est la méchante sorcière du Magicien d'Oz. C'est-à-dire qu'il a vraiment ces traits-là. Il nous prend, nous, spectateurs, à témoins. Il nous fait rire avec lui. On devient ses complices, quelque part. Donc c'est un jeu un peu pervers, c'est-à-dire qu'il tue, il nous rend complices de ses meurtres, il nous en fait rire et en même temps il nous fait peur avec. Je crois que c'est ça la grosse différence qui fait que Freddy n'est pas comme les autres tueurs. Alexandre Poncet ? Oui, il y a aussi un autre détail, c'est que, et on l'oublie souvent parce que Freddy est devenu une star, mais dans le premier, c'est un abuseur d'enfants. Oui. C'est quelque chose, c'est un détail qui est quand même très particulier. Il y a une vraie perversité dans le personnage de Freddy. Mais d'ailleurs, dans le premier. On va y venir, ils ont toujours jonglé sur l'ambiguïté. Ils ont toujours jonglé sur l'ambiguïté. Et en fait, quand ils ont fait Freddy 2, Wes Craven ne le savait pas, mais en fait, Robert Shea a engagé un de ses agents administratifs pour écrire le scénario, David Chaskin, qui est gay, qui s'est emparé du projet pour faire une parabole sur le coming out. Le 2 est passionnant pour ça. Mais c'est pour ça que Wes Craven était fâché. Il voulait pas du tout faire l'œuvre de quelqu'un d'autre. Et Robert Shea a rappelé Wes Craven quand ils ont fait le 3, juste avant de faire le 3. Et Craven et Bruce Wagner, qui a fait plus tard Maps to the Stars de David Cronenberg, ont écrit en duo un script qui déjà a la structure du film qu'on connaît. C'est dans l'hôpital psychiatrique, il y a tous les jeunes, etc. Il y a le personnage de Nancy qui revient, son père. Mais on sent vraiment qu'on retourne vers le Freddy extrêmement pervers, avec des scènes extrêmement malaisantes dans le film. Et on sent que Shay et New Line se disent, si on fait ça, c'est la fin. C'est la fin de Freddy, en fait. C'est fini. Parce que le public ne pourra pas se projeter littéralement dans un pédophile. Et donc, ils virent Craven. Et on le comprend. On n'est pas en train de dire... ce qui est totalement logique. Personnellement, je préfère le 3 qu'on a aujourd'hui. Hein. qui est plus sorcière, un petit peu de Grimm. Et donc, ils ont réécrit le script en mettant ça complètement de côté. Et ils ont beaucoup insisté sur le côté un peu clownesque du personnage et le côté star du personnage. Et ça donne le Freddy qu'on a. Et en fait, tout ce qu'on connaît de Freddy aujourd'hui, l'inconscient collectif lié à Freddy, je pense que ça commence vraiment au 3. Freddy 3 a justement vraiment marqué un tournant dans la franchise en termes de popularité. Et pour l'occasion, New Line a fait appel à un bon vieux groupe de rock des années 80 comme on n'en fait plus. Amateurs de cheveux et de riffs de guitare, c'est fait pour vous. On écoute Dokken avec Dream Warriors. Dream Warriors. Ain't gonna dream no more. France Inter. Blockbuster, Frédéric Sigrist. See, I told you you'd be feeling better. Tu vois, je te l'avais dit que tu te sentirais mieux. All day long I've been seeing that guy's weird. Toute la journée, face. J'ai pas arrêté de revoir son visage. And hearing those fingernails. Et ses affreux ongles. Fingernails. Ses affreux ongles. That's amazing, you said. Ce que tu viens de dire à l'instant m'a fait me rappeler le cauchemar que j'ai eu cette nuit. What you dream? C'était quoi ton cauchemar? I dreamed about a guy. Il y avait un mec avec un vieux pull vert et rouge. Well, what about the fingernails? Et tu as vu ses ongles? Oh, he scraped his fingernails. Mais il arrêtait pas de les faire crisser sur tout. Actually, they were more like. C'était pas des ongles ni des griffes, c'était carrément des lames de couteau qu'il avait au bout des doigts. They made a horrible sound. J'oublierai jamais le bruit que ça faisait. Ça faisait comme ça. Nancy. Nancy. You dreamed about the same. On a fait le même cauchemar toutes les deux. That's impossible. Non, c'est pas possible. Une conversation entre Nancy et Tina, qui était interprétée en français par Séverine Morisseau. Tina était doublée par Nathalie Juvet. Et Glenn, Johnny Depp, le premier film de Johnny Depp, était interprété par Vincent Ropion. Alexandre Poncet, est-ce que New Line a tout de suite été séduit par le concept que leur a proposé Wes Craven? Alors oui, c'est même eux qui ont vraiment poussé. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, Robert Shea a hypothéqué sa maison. Il a vraiment tout risqué. Il avait d'ailleurs femme et enfant à l'époque. Hein. Et Craven aurait bien aimé vendre le scénario à plus offrant, mais il n'y avait pas plus offrant. Il a fait le tour de tous les studios et tout le monde a refusé. Paramount, à l'époque, a dit que personne ne s'intéresserait à un tueur qui navigue dans les rêves. Voilà, des visionnaires. Mmh. Et donc, Craven a fini par accepter, mais à une somme ridicule. Je crois que c'était une avance de $5,000 de confier les droits à New Line. Et ça donne le film qu'on connaît. Stéphanie Chaptal, selon vous, qu'est-ce qui séduit autant les spectateurs des années 80 et encore les spectateurs d'aujourd'hui autour de la figure de Freddy? Déjà parce que c'est un tueur qui parle. D'une part, il parle. D'autre part, il est très... Enfin, les films sont à la fois très provocateurs. C'était absolument tout ce qu'on n'avait pas le droit de voir à l'époque. Et en même temps, ils sont très bons réalisateurs quand même. Ils sont très... Attention, si tu fais ça, Freddy va t'attaquer. Attention, si tu fais ça, il va se passer ça. Notamment le 3, avec le moment où, face à l'ado qui a des problèmes de toxicomanie, ses griffes se transforment en seringue. Oui. Donc, c'était un tueur qui parlait, donc sur lequel on pouvait interagir, on pouvait se projeter, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, et qui nous mettait en face de nous-mêmes. C'était vraiment un personnage de rêve. Il nous montrait face à notre inconscient et face aux peurs de l'époque. Et c'était aussi une incarnation quasi physique de l'incurie des parents. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que Freddy frappe des adolescents qui ont tous des problèmes relationnels avec leurs parents, et qu'en filigrane, dans les Freddy, il y a aussi, je dirais, toutes les conséquences des comportements parentaux. C'est vrai. Puis, de toute façon, on était à l'époque des années 80 où les parents travaillaient, donc les gamins étaient restés souvent seuls à la maison, qu'ils soient ados ou plus jeunes, et il pouvait se passer n'importe quoi. Oui, Alexandre Poncet ? Oui, en fait, Wes Craven a aussi un rapport très conflictuel aux parents. C'est-à-dire qu'il a été élevé dans une famille très religieuse, très conservatrice, qui l'empêchait il l'interdisait de voir des films, notamment. Son père est mort à 40 ans d'un terrible alcoolisme. Il a été vraiment profondément marqué par ça. Et quand il a écrit Les Griffes de la Nuit, il s'est vraiment efforcé de montrer l'irresponsabilité totale des parents. Et en fait, c'est les parents qui sont à la base du malheur des enfants dans le film. C'est eux qui provoquent, en fait, en n'écoutant pas les enfants, en les considérant comme des sous-êtres, en essayant de les protéger de façon complètement irresponsable, ils accélèrent en fait le travail de Freddy. Et il fait quelque chose visuellement aussi, c'est que tous les... et même scénaristiquement, tous les pères qu'on voit dans le film sont soit des figures d'autorité, donc l'héroïne, son père est policier, donc vraiment, et il n'est jamais là. On voit un autre père qui ne pense qu'à se recoucher vite avec sa femme, voilà, pour faire des trucs. Et par contre, les enfants, même s'ils sont dans un passage d'adolescence où ils découvrent leur sexualité, etc., ils sont quand même filmés comme des petits, en fait, comme des bébés en apprentissage. Il y a Tina, elle apparaît avec des grosses pantoufles, un pyjama, vraiment pas du tout sexy. Ils ont encore des chambres avec des doudous. C'est vraiment, on voit une dichotomie totale entre le monde des parents et le monde des enfants, et jamais ces deux mondes ne se rencontrent. Et à un moment, les enfants vont montrer aux parents leur irresponsabilité à travers le personnage de Nancy. J'y pense. Et c'est aussi l'imagerie du conte de fées qui revient, parce qu'avoir des ados qui ressemblent à des enfants, Nancy, elle est toujours dans son pyjama aussi. Elle a gardé d'ailleurs, puisque j'en ai parlé avec elle il y a quelques années, Heather Langenkamp, qui chérit le pyjama qu'elle portait à l'époque, et qui redit, qui dit rétrospectivement, j'étais absolument pas sexy là-dedans, je ressemblais à... Mais elle ressemblait à un enfant, c'est ce que vient de dire Alexandre. C'est-à-dire que souvent, les héros de contes de fées sont des filles, et des très jeunes filles. Là, ce sont pas des enfants, mais c'est presque des adultes, mais en même temps, ils sont traités comme des enfants. Et Wes Craven... Après, vu la réalité des situations, et vu la violence des fois dans lesquelles ils étaient, il valait mieux qu'ils soient un peu plus vieux que des enfants. C'est clair, c'est juste l'imagerie enfantine, oui. Mais les acteurs ne sont plus des enfants, heureusement. Wes Craven, alors j'en avais parlé aussi avec lui, il m'a parlé de ça, de cette histoire d'éducation très rigoureuse qu'il a vécue. Il faut se dire quand même qu'un réalisateur de films d'horreur qui n'a pas vu de film avant l'âge adulte, c'est quand même surprenant. Il lisait, lui se voyait plus auteur que réalisateur de films. Il a pu voir des films, enfin lorsqu'il était adulte, lorsqu'il est devenu prof de sciences humaines notamment. Alors là, il a bouffé du film, plutôt du film d'auteur, pas du tout des films de genre. Il a changé de cap pour devenir, pour travailler dans le cinéma, dans une boîte de post-prod. Et jusqu'à ce que Sean Cunningham, son patron, lui dise « Tu veux pas écrire un film d'horreur ?» Sauf que lui, il avait jamais vu de film d'horreur. Il avait juste vu La Nuit des Morts-Vivants. Et il s'est dit « Tiens, c'est marrant, parce que du coup, un film d'horreur, ça peut être un film avec un sous-texte politique, social, religieux. » Il a écrit donc La Dernière Maison sur la Gauche, puis La Colline à des Yeux, puis... La Ferme de la Terreur, et puis après, Les Griffes de la Nuit arrivent dans un creux de la vague pour Wes Craven, parce qu'après il a fait La Créature du Marais, une adaptation un peu particulière d'un comic book, et ensuite La Colline à des Yeux 2, que tout le monde a oublié, j'espère, avec le flashback d'un chien, quand même. Dedans, il y a un chien qui se souvient du premier épisode. Il y a un chien qui a un flashback. Qui revoit le point, tout est revu du point de vue du chien. Ouais. Donc, peut-être qu'il faut le revoir, finalement, les jeux. C'est génial. Donc, c'est sûr que quand il propose Les Griffes de la Nuit, il n'est pas dans un état... Enfin, il a besoin de se refaire une santé, quoi. Et ce sous-texte religieux, donc pour revenir au tout début, parce que je suis parti dans des délires qui n'ont plus rien à voir avec la question initiale, il y a aussi ce sous-texte religieux, cette histoire de... péché originel, finalement. Les enfants payent pour les péchés des parents. Des parents. Anne-Pauline, est-ce que cette dimension de culpabilité parentale et des péchés de la génération précédente qui pèseront sur les générations futures, toute ressemblance avec un contexte géopolitique actuel est purement voulu, est-ce que ça vous a déjà interpellé à ce moment-là ? C'est quelque chose de hyper criant, je trouve, mais dès le premier épisode, puisqu'en fait, c'est encore pire, puisque les parents se noient dans des perversités, entre guillemets, morales, qui sont l'alcoolisme ou le sexe, pour oublier leur propre péché et le laisser à la gestion des plus jeunes. Et en plus, ils décident de ne pas les croire. Donc c'est quelque chose d'assez horrible, en fait, pour cette génération d'enfants qui non seulement doit payer pour les erreurs du passé de leurs parents, mais en plus... ils n'ont pas le soutien parental. Encore une fois, tout lien avec le présent. En fait, je vous écoute, Anne-Pauline, et je me dis c'est terrible parce que vous êtes en train exactement de décrire un réel. Mais oui, c'est ça. C'est qu'en plus, on peut transposer du coup cette réalité non seulement à un monde fictif d'un tueur, d'un ancien pédophile qu'on a cramé dans une usine, à plein de contextes social, économique, écologique. Et c'est exactement ça, en fait. C'est qu'on laisse les jeunes générations se démerder avec nos erreurs du passé. Et tant pis pour eux, en fait. Et nous, on tourne le dos, moi je me considère à un âge pivot, donc ça passe, mais on tourne le dos, en fait, à cette nouvelle génération. On leur dit, mais en fait, on a péché, maintenant c'est à votre tour de battre le grand méchant, et advienne que pourra. Si vous réussissez, tant mieux, si vous perdez, salut. Et justement, cet aspect de chez Wes Craven, de vraiment d'auteur, de quelqu'un qui est resté assez éloigné du film d'horreur et qui a donc eu cette approche très cérébrale, très intellectuelle du cinéma d'horreur, ça se sent énormément. Parce que souvent, quand on parle de Freddy, à des gens qui en ont un souvenir un peu distinct, ils vont penser aux griffes, ils vont dire « Ah oui, Freddy, le grand !» Mais c'est des films qui étaient dans une réflexion à la fois par rapport à l'époque à la société qui l'entourait, mais aussi même une réflexion par rapport au cinéma et par rapport à l'image. Il y a énormément dans la saga Freddy de manipulation sur l'image. Ça a été un des premiers films à illustrer par exemple des bandes dessinées de manière visuelle. Freddy devient un personnage de bande dessinée. Il y a plein d'expérimentations qui ont eu lieu via les Freddy, Gilles Ponceau. Il y a plein d'expérimentations visuelles, c'est vrai. Il faut dire aussi que la saga Freddy, c'est le starting block de plein de grands réalisateurs, en tout cas de grands réalisateurs qui ont fait des films beaucoup plus importants après. Alors Wes Craven était déjà installé, mais dès le premier, on a quand même le réalisateur qui va faire Eden après, Jack Shoulder. Le 3, c'est Chuck Russell qui va faire Le Blob et qui va faire ensuite The Mask. Et Frank Darabont au scénario. Frank Darabont au scénario. Des évadés. Quand même. Le 4, c'est quand même Rennie Harlin qui va faire 58 minutes pour vivre, Die Hard 2, Cliffhanger, enfin bon voilà. Stephen Hopkins qui fait le 5, qui va faire Predator 2 après. Donc c'est un starting block pour des réalisateurs qui ont encore plein de choses à dire, plein de choses à montrer. Et c'est aussi une bande démo de créateurs d'effets spéciaux. C'est-à-dire qu'il y a une armada de ténors d'effets spéciaux qui se régalent dans les Freddy, souvent même à partir, je crois, Alex, tu me corriges si je me trompe, à partir du 3 et notamment du 4, alors dans le 5 c'est sûr, chaque rêve est confié à une compagnie d'effets spéciaux différente. Donc c'est presque une émulation, je vais faire plus fort que toi et surtout, je vais montrer, alors il y a des spécialistes de la stop motion vont faire dans le 3 une poupée de Freddy en argile qui commence à bouger et ensuite un squelette. Une fille se transforme en cafard dans le 4. Enfin, chacun y va de sa surenchère dans les effets spéciaux. Et donc, visuellement, c'est vrai que c'est très riche, les Freddy. On pourrait même ne les regarder que pour le plaisir de revoir les scènes de cauchemars et se faire une espèce de best-of des cauchemars. Et Stéphanie Chaptal, il y a un nom qu'on n'a pas encore cité et qui est pourtant indissociable de Freddy, et peut-être même encore plus que Wes Craven, parce que Wes Craven n'a pas réalisé tous les Freddy, mais par contre, il y a un personnage qui est là du début à la fin, qui est Robert Englund, l'interprète de Freddy. Quel est le rapport que vous avez développé en tant que spectatrice avec cet acteur et avec cette incarnation de Freddy? Robert Englund, il est mythique. Et c'est lui aussi qui va apporter toute une partie, toute la partie comique, discussion de Freddy, et qui va après retrouver dans ses autres apparences. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il a été choisi pour jouer dans la saison Stranger Things. Oui, d'ailleurs, la dernière saison Stranger Things, qui est un hommage direct au travail qui a été fait sur Freddy. Totalement. Et il a fait des apparitions dans d'autres séries. Je pense notamment quand il joue un docteur qui va tuer Dean Winchester dans Supernatural. C'est typiquement parce qu'il a fait Freddy qu'il va reprendre ce rôle-là. Et quand il a commencé les Freddy, et là les spécialistes me le diront, il me semble qu'il était surtout connu pour jouer un extraterrestre, végétarien dans V. Oui, dans V, oui. La fameuse série avec Mark Singer. Voilà. En fait, on avait déjà vu un petit peu son visage. Les amateurs de films d'horreur l'ont vu apparaître dans des films comme Le Crocodile de la Mort de Toby Hooper ou La Galaxie de la Terreur, que je recommande à tous les amateurs de films d'horreur. Prochaine production design de James Cameron, mais c'est vrai qu'il n'était pas très connu. Et grâce à V, sauf que ce qui est marrant, c'est qu'il est devenu connu avec un personnage super sympathique. C'était l'un des seuls extraterrestres sympas. Tous les autres étaient des mangeurs de rats et d'êtres humains, limite. Et je crois que Wes Craven l'a choisi lui-même sur une audition en se disant « mais il est super ». Alors qu'il avait, il me semble, physiquement pas du tout les caractéristiques que Craven avait en tête. Il avait déjà le design, Wes Craven, du costume, ce fameux pull rayé, ce chapeau. Et lui voyait un personnage vraiment comme dans les légendes urbaines, un personnage très filiforme, très grand, ce que n'est pas Robert Englund. Mais l'abattage de Robert Englund l'a convaincu, et c'est effectivement ce que dit Stéphanie est vrai, devenu une star grâce à ce rôle-là. Mais le rôle est connu aussi grâce à Robert Englund. Donc il y a vraiment une rencontre entre un personnage et Oui, parce qu'il il a une manière, Anne-Pauline confirmera peut-être, de se mouvoir, qui est très particulière, de tenir ce gant avec ses griffes, comme si c'était une sorte de Colt toujours prêt à dégainer. Il est toujours en léger décalage. Il a un côté un peu même dandy, la façon dont il utilise ses hanches quand il se déplace, et la façon dont il est, vu qu'il est filmé différemment suivant les films, on a un regard un peu différent sur Freddy. Et si les deux premiers, on peut voir un espèce de tatillonnement sur ce que sera l'identité même de Freddy, il commence vraiment à s'ancrer dans une identité propre et physique à partir du 3, selon moi, où justement, ouais, ce côté un peu à la fois dandy, mais il faudrait qu'il a un chapeau en feutrine, donc paradoxalement, il a un côté vraiment très négligé, très sale, mais en même temps, il a l'air très fier de son attirail, de ses lames qu'il a fabriqué lui-même. Il en est très fier, et je trouve, ouais, il a vraiment un côté très dandy romantique, un peu à la Maupassant, la façon de se mouvoir, de se présenter. Il est très fier de lui, il s'aime beaucoup, même si physiquement, il est absolument horrible et tout. Et je trouve ça hyper intéressant. Et je trouve que, en plus, cette dualité qu'entretient Robert et Freddy est assez marrante, et ça se voit aussi dans les crédits du film. C'est-à-dire que dans le premier, il est à peine crédité à la fin dans le roll-on. À partir du 3, il est présenté comme la star, Robert Englund et Freddy. Et à la fin, dans le 5, il est Freddy et lui-même. Et du coup, c'est marrant de voir cette évolution, cette espèce d'ambivalence. On ne sait pas trop si Robert est Freddy, si Freddy est son propre personnage. Et c'est hyper intéressant, ça entretient vraiment la légende à la fois du personnage et de l'acteur, quoi. Alexandre Poncet, Dedo, qui aurait aimé être là, mais il est occupé à faire parler des chaussettes. Suivez la carrière de Dedo, c'est une carrière très intéressante, mais où, dans laquelle il se passe des choses bizarres. Des fois, il fait parler des chaussettes. Et me disait que, pour lui, c'était une sorte de Casanova de l'horreur, et que Freddy, en fait, était fasciné par, pas forcément par le meurtre, mais par l'idée même du meurtre, et que c'était pour ça que tout était mis en scène et devait être... La théâtralité autour de ça. Du meurtre. Il faut savoir que Robert Englund vient du théâtre. Il a fait des études à UCLA, et ensuite il est parti dans le Michigan. Il a fait pendant des années des pièces de Shakespeare, avant de revenir à Los Angeles pour faire des jobs un petit peu surréalistes. Par exemple, il était sur le plateau de Halloween de John Carpenter. Halloween qui a été tourné à Los Angeles en plein été, alors que ça se passe à Halloween. Et donc lui, son boulot, c'était de lancer des feuilles mortes un petit peu partout sur les rues. C'était donc lui. C'était Robert Englund qui a lancé des feuilles mortes partout sur le plateau d'Halloween. Et voilà, c'était son job. Qui était en colocation avec un colocataire. Mark Hamill. Mark Hamill, Luke Skywalker, et Robert Englund a passé des auditions pour Star Wars. Il a convaincu son colocataire Mark Hamill de passer une audition pour Han Solo. Alors, aux dernières nouvelles, Mark Hamill n'a jamais payé son loyer. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que Robert Englund a failli ne plus jouer Freddy après Les Griffes de la Nuit. C'est-à-dire que son agent a demandé beaucoup d'argent pour Freddy 2, pour La Revanche de Freddy. Et Jack Shoulder m'a raconté que New Line a dit clairement à l'agent « c'est pas la peine de vous payer autant, c'est un gars derrière un maquillage, dans le noir, n'importe qui peut le faire ». Jack Shoulder m'a aussi dit qu'ils n'ont absolument pas casté qui que ce soit d'autre, enfin auditionné qui que ce soit d'autre, c'était vraiment un coup de bluff. Et ils ont réussi à baisser le salaire de Robert Englund comme ça. Mais il y avait quand même, un moment où Robert Englund, on ne savait pas si ça allait être Freddy. Je voulais travailler pour Wes Craven, feu le grand Wes Craven. Dans mes souvenirs, à cette époque, on l'associait à David Lynch. Et j'avais très envie de travailler avec lui. Et j'ai eu une pause sur la série sur laquelle j'étais à ce moment-là. Et je me suis gominé les cheveux en arrière, parce que j'étais tout blond, en mode surfeur, vous voyez, 77 kilos de muscles. Et j'avoue que je ressemblais pas mal au personnage. Je me suis mis de la cendre sous les yeux pour creuser les contours. Et je me suis amusé à fixer Wes du regard. Et je crois que c'est comme ça que j'ai eu le rôle. Mais j'ai un visage assez étroit, donc c'est possible qu'ils se soient juste dit qu'ils pourraient me coller tout leur truc sur le visage et que ça irait par rapport à mes épaules. Mais j'ai refusé de mettre des lentilles. Ils avaient fait des lentilles très chères, mais ça a été mon choix de ne pas les porter, parce que ça me donnait l'air d'une poupée. Et quand tu as les vrais yeux qui sortent au milieu du maquillage, l'effet est tellement plus efficace. Robert Englund qui parle très très bien et qui est très volubile. D'ailleurs, c'est une des légendes qui l'accompagne, c'est que pour tous les maquilleurs qui doivent s'occuper de Robert Englund, il faut qu'ils s'arment énormément de patience parce que le monsieur est extrêmement bavard, et semble-t-il. Ouais, ça se voit d'ailleurs dans sa manière de jouer. À un moment donné, on peut même se demander s'il n'y a pas une part d'impro. C'est-à-dire que plus on avance dans la saga Freddy, plus il prend du pouvoir. Effectivement, on a parlé de la présence de son nom au générique, et plus il se l'approprie, et plus il propose des choses. Effectivement, son expérience du théâtre aide aussi. Il joue avec ce personnage, il en fait quelque chose. C'est intéressant cette idée de dandy déchu. C'est presque effectivement quelqu'un qui a peut-être été beau, qui a peut-être été élégant, qui maintenant est dégueulasse, mais qui a gardé ses habitudes un petit peu maniérées. Si ça se trouve, il a un peu inspiré Johnny Depp dans sa manière de gesticuler dans Pirates des Caraïbes. Ce côté un peu trop maniéré, un peu trop excessif. Et en plus, il a ce gant. Alors, Heather Langenkamp, qui joue Nancy, me disait qu'il s'amusait à lui faire peur tout le temps avec ses gants. Parce qu'il y a plusieurs paires de gants. Il y a les gants souples, pour pas se blesser pendant les scènes d'interaction, des gants un peu plus durs, et puis ceux qui sont en métal. Et lui s'amusait à faire du bruit pour lui foutre la trouille. Mais c'est quelqu'un de très sérieux, parce qu'apparemment, les séances de répétition... Lui, il insistait pour qu'elle dure très longtemps, pour qu'il soit calé au millimètre près, pour que personne ne se blesse. Et aux dernières nouvelles, personne ne s'est blessé sur le tournage des Griffes de la Nuit. Et il y a notamment aussi, dans le premier Freddy, quand on repense aux Griffes de la Nuit, à deux morts qui sont restées dans les esprits de centaines de milliers de spectateurs, et d'ailleurs auxquels Stranger Things rend plus ou moins hommage. Mais quand on a vu l'original, on le sait, notamment la mort de Tina, qui se passe dans une chambre, et effectivement tout ça a lieu dans le monde, dans son rêve à elle, mais dans le réel on voit juste une femme qui est projetée sur un mur et jusqu'au plafond, et qui est en train de se battre avec une créature invisible. Et tout ça est fait de manière concrète le jour du tournage. Et je sais pas, Anne-Pauline, ce que vous avez ressenti en voyant ce truc. Et moi, je sais que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ah, mais c'est terrible !» En fait, c'est marrant parce que j'ai jamais eu une peur aussi physique pour un personnage que depuis L'Exorciste. Parce qu'en fait, c'était... Enfin, quand j'ai découvert Les Griffes de la Nuit, le premier, j'avais vu L'Exorciste, et en fait, c'était le seul moment où un personnage était aussi maltraité physiquement, un personnage féminin en plus, était aussi maltraité physiquement, et j'avais mal pour elle. Enfin, et on vit vraiment cette scène qui est en plus filmée caméra juste à côté du personnage qui la regarde. Et du coup, on est un peu en même temps avec lui, on est lui en même temps, et en fait, on est les témoins... désarmé en fait de cette mort qui est absolument horrible. On voudrait la rejoindre pour la secouer, mais on peut pas parce qu'elle part dans tous les sens. Et non, elle est vraiment horrible cette mort. C'est juste de dire le nom de Tina et j'ai des flashbacks horribles. Et c'est marrant parce que cette mort, c'est quasiment le remake d'une scène de Poltergeist qui a été réalisée 2 ans avant, tournée de la même manière, où on a la mère de famille qui sort de son lit et qui se met à ramper sur le mur et qui se retrouve au plafond, sauf que c'est beaucoup moins gore dans Freddy, dans Les Griffes de la Nuit. Et vous savez comment c'est réalisé ou pas? Mais expliquez-le, justement. En fait, c'est une technique on se souvient, ceux qui ont vu 2001, l'Odyssée de l'espace, de l'hôtesse de l'air qui marche et puis qui se met à marcher sur le plafond, enfin sur le mur puis sur le plafond, dans ce sas circulaire. Ou les plus anciens encore, qui ont vu Fred Astaire danser au plafond dans Mariage Royal, mais ça c'est plus vieux. C'est une pièce, en fait un décor, qui est construit sur un châssis qui lui permet de tourner sur elle-même. Et comme la caméra est fixée à l'intérieur du décor, ce que filme la caméra tourne aussi. En gros, on ne voit rien bouger. Ce qui bouge, c'est ce qui n'est pas fixé dans le décor. Donc le décor tourne, la caméra tourne en même temps. Donc tout le décor fixé, rien ne bouge. Mais si quelque chose a le malheur de ne pas être fixé, cette chose donne le sentiment de bouger, de se déplacer. Et si cette chose est un acteur, l'acteur se retrouve au plafond. Et c'est comme ça. Techniquement, c'est quand même assez balèze. Le principe est simple. Mais techniquement, c'est Jim Doyle, je crois. C'est Jim Doyle, qui a également conçu le gant à partir d'un dessin de Wes Craven. C'est Jim Doyle qui a fait ça. Et c'est entièrement manuel. C'est-à-dire qu'il y a des opérateurs qui sont en dehors de la pièce, qui tournent la pièce. Et l'idée de génie, au-delà du fait d'accrocher fixement tout ce qu'il y a dans le décor, y compris les couvertures, pour éviter qu'on voit la supercherie. L'idée de génie, c'est de mettre une fenêtre avec un éclairage fixe pour qu'on croit voir ce qu'il y a dehors. Et en fait, le dehors de la pièce ne bougeant pas, on a l'impression que ça ne bouge pas. Et c'est vraiment... C'est quand même une idée qui a été reprise dans La Mouche, de David Cronenberg. Il y a des moments où... où Jeff Goldblum est au plafond, ça s'est fait exactement de la même façon. Mais c'est vrai que ils s'en sont servis pour deux séquences, donc la mort de Tina, mais aussi la mort de Glenn, qui est hallucinante, et qui m'a vraiment marqué quand j'étais gamin. Point commun, et je pense que dans la dramaturgie du film, ça trouve son sens. Ce sont deux morts qui arrivent dans la chambre, sur un lit, qui est habituellement le lieu où, quand au moment des terreurs nocturnes qu'on peut avoir, où on se cache sous les draps en se disant « ici, je ne crains rien, je suis protégé ». Or là, c'est le lit qui mange Glenn, parce qu'il s'est endormi, et qui crache des hectolitres de sang qui ont menacé, d'ailleurs, de faire bouger. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de sang que la pièce a commencé à basculer de façon hors de contrôle. Et si on regarde bien dans le film, le sang commence à aller vers le côté à la fin du plan. Ils ont gardé le plus possible, mais ça donne une ambiance complètement onirique, pour le coup. L'idée du lit est reprise dans Freddy sort de la nuit, dans le septième Freddy réalisé par Wes Craven, qui est une sorte de nuit américaine horrifique. Et à la fin, juste avant le dernier acte, Nancy plonge littéralement sous les couvertures pour aller dans le monde onirique de son fils. Et ensuite, on est dans une sorte de... Oui, parce qu'elle a laissé les petites exactement. Pilules miettes on de pain... On parlait des contes. Des contes de fées, les petites pilules qui empêchent de dormir. Stéphanie Chaptal, est-ce que ces deux scènes aussi vous ont marqué aussi fort que nous? Ah oui, la scène où le lit recrache des litres de sang à la mort de Glenn est forcément marquante. Après, plus que la mort de Tina, moi, c'est la scène de la baignoire qui m'a marquée. Ah oui, oui, évidemment. Ben, on vous laisse la raconter. Mais en fait, Nancy prend un bain et est en train de s'endormir dans le bain. Et on voit les griffes qui arrivent dans l'eau entre ses jambes. Et juste ça, puis après, la suite, il faudra voir le film, mais juste ça, c'est... On se dit, elle est tranquille, elle est dans un bain, elle se détend, et on voit les griffes qui apparaissent. À l'époque, il y avait une salle de bain avec baignoire chez moi, j'avais l'habitude de prendre des bains à dos. Pendant quelques semaines, je n'ai pris plus que des douches. Ça a été dur à vivre pour l'actrice, cette scène-là, parce qu'elle m'a raconté qu'elle était, elle s'est sentie très vulnérable, parce que, comme disait Alexandre, c'est un film à très petit budget. Donc c'est un bricolage en fait, ils ont surélevé la baignoire et c'est très cocasse quand on voit les photos du tournage, on se dit que ça devait être quand même assez folklore. Et elle n'était pas rassurée, parce qu'elle se disait ce truc-là déjà, bon, elle n'était pas complètement nue, mais un peu quand même. Mais un peu. Avec un technicien qui tenait le gant. C'était Jim Doyle, donc le créateur du gant. Et elle m'a dit, j'ai mal vécu cette scène-là, pas tellement à cause de la nudité, mais parce qu'elle s'est sentie vulnérable, elle s'est dit, mais ça va tenir leur truc. Ça a tenu, et ça reste effectivement l'une des scènes les plus mémorables des Griffes de la Nuit. Parce que ça, c'est un sujet sur lequel on n'insiste pas assez, mais dans la dimension des films d'horreur, et c'est quelque chose qui est resté encore très prégnant, c'est que les acteurs qui acceptent de jouer dans ces films sont soumis à des stress physiques qui sont quand même assez exigeants. Outre Robert Englund qui doit passer la majeure partie de son temps à être maquillé avec prothèses, etc. Mais il y a aussi Iver Langekamp qui doit monter des marches qui deviennent complètement molles. Elle se noie dans une baignoire. Elle doit glisser comme ça dans un lit et tout d'un coup se retrouver dans un monde de fait de cauchemar. Et elle tombe comme ça dans l'eau en pyjama. Enfin, c'est physiquement. C'est physique, mais le stress, bon, il y a des moments stressants, mais le stress, nous, on le vit en tant que spectateur. Pour les acteurs, c'est surtout du jeu. On se marre, et c'est surtout pénible quand, effectivement, il faut se taper des heures et des heures de maquillage, ou là, quand elle raconte cette scène-là particulière, où elle était toute jeune, hein, elle était vraiment... elle était adulte, mais à peine, quoi. Et elle était persuadée que ce film, d'ailleurs, ça allait juste lui servir à prolonger son loyer pour rester un peu plus longtemps à Los Angeles pour trouver un vrai boulot. Elle pensait pas du tout que ce film allait fonctionner. Et de ce qu'elle m'a dit, alors, à vérifier, quand le film est sorti en salle à Los Angeles, personne ne l'a vu, personne n'en parlait. C'est lorsqu'il est sorti en VHS que là, ça a été un carton. C'est devenu un culte. Tout le monde parlait de Freddy Krueger dans la rue et l'arrêtait elle-même dans la rue parce qu'elle était reconnue. Donc il a fallu un petit temps quand même. Ils ont mis du temps, j'imagine, à se rendre compte du phénomène qui était en marche. C'est pas tout de suite le cas. Et Alexandre Poncet arrive Freddy 2 qui change un petit peu les règles du jeu autour de la mythologie de Freddy. Tout d'un coup, il se met à faire très très chaud quand Freddy s'annonce. Il y a des perruches qui crament. Il y a un bel hommage aux montres molles de Dali, voilà, avec un vinyle qui fond parce que c'est la fournaise. Et Freddy a besoin d'un corps pour se réincarner. On est vraiment très très loin. Est-ce que c'est pour ces raisons-là que Wes Craven a dit ben non, moi, c'est pas. Wes Craven, il a dit non au moment où il a appris qu'on avait engagé un scénariste dans son dos. Et faut savoir qu'à l'époque, c'est Jack Shoulder qui m'a expliqué que le premier, c'était pas du tout une bible. Effectivement, le succès a été un petit peu à retardement. Donc ils ont lancé une suite parce que le succès était honorable, mais c'était pas encore un film culte quand ils ont lancé La Revanche de Freddy. Donc le premier est sorti en 84, le deuxième, je crois, début 86 ou quelque chose comme ça. Quand Shoulder est arrivé là-dessus, déjà sa mission, c'était de mettre en scène le script qui avait été écrit. Ils avaient besoin d'un script rapidement, donc personne n'a vraiment regardé ce qu'il y avait dans ce script. Personne n'a compris, d'ailleurs, que ce script était une métaphore sur un coming out, mais vraiment littéral. Aujourd'hui, c'est quand même un des... Ah, quand on le revoit, c'est évident. Un des films les plus importants de l'histoire du cinéma LGBT, quand même. Vraiment, c'est un film incroyable, avec des dialogues. C'est quand même fou de pas se rendre compte des dialogues. À un moment, il y a le héros qui manque de faire l'amour avec une fille, qui s'enfuit, qui va voir son meilleur ami. Son meilleur ami rival. Oui, mais bon. Bah, y a quelque chose d'ambigu. Ils se mettent les fesses à l'air à la gym quand même. Et son meilleur ami lui dit, il y a une fille qui t'attend et toi tu veux dormir avec moi, en anglais coucher avec moi. C'est littéralement dans le dialogue. Et il y a quand même, le héros va dans des bars cuir, il y a des scènes de douche sadomasochiste, c'est quand même, et il y a Robert Shea, le producteur, qui joue un barman dans un bar cuir, qui, même en jouant ça, ne s'est pas rendu compte qu'il faisait un film complètement... Et d'ailleurs, les agents de l'époque, parce qu'il faut se remettre dans le contexte, aujourd'hui on en parle de manière très détendue, très décomplexée, parce que c'est devenu quelque chose, heureusement, de beaucoup plus accepté, mais à l'époque, être soupçonné d'homosexualité pouvait mettre fin à votre carrière de manière littérale. David Chaskin, le scénariste, n'avait dit à personne qu'il était gay, et surtout Mark Patton, qui joue Jesse, un prénom... unisexe, vraiment cachait son homosexualité. Et en fait, David Chaskin et Mark Patton se sont compris et Mark Patton a joué littéralement de façon naturelle, sans cacher sa propre homosexualité dans le film. Et ensuite, quand il a fait son coming out quelques années après, il a eu beaucoup de lettres, de menaces de mort, etc., d'insultes, comme la petite sirène peut en avoir aujourd'hui, ce qui est assez hallucinant. Et il est parti au Mexique pendant des années, il a changé de vie, et il est revenu il y a quelques années, il a fait un documentaire qui s'appelle Scream Queen, pour raconter justement son parcours à travers La Revanche de Freddy. Fred Krueger, maman. Fred Krueger, maman. Fred Krueger. Fred Krueger. Do you know who that is, mother? Est-ce que c'est mon imagination? Si tu sais qui c'est, dis-le-moi, parce que maintenant c'est moi qu'il veut tuer. Nancy, aie confiance en moi, je t'en prie. You'll feel better. Si tu dormais, tu te sentirais beaucoup mieux. Feel better. Je me sentirais mieux. You call this feeling better? C'est ça que tu appelles se sentir mieux? Or maybe I should grab that bottle. Je devrais peut-être carrément me saouler la gueule avec toi. What everything happening to me by just getting. Une fois qu'on a sa dose, plus rien ne peut vous atteindre, on est en sécurité, hein? Fred Krueger can't come after you. Fred Krueger ne peut rien contre toi, Nancy. He's dead. Il est mort. Believe me. Tu peux me croire. I know. J'en suis sûre. You knew. Alors, depuis le début, tu connaissais ce type. And you've been. Et tu t'es comporté like comme si j'inventais, comme si je vous mentais. Tu es malade. Something wrong with you. You're imagining. Tu t'imagines des choses qui n'existent pas. You'll feel better when you sleep. Pour te remettre, tu as besoin de sommeil. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je refuse de dormir. Je refuse de dormir. Alors, ensuite arrive Freddy 3. Et alors là, on arrive dans ce que j'appelle la période X-Men de Freddy, où on a les Dream Warriors, c'est-à-dire que c'est guerrier des rêves. Et bon, je le cache pas, le Freddy 3 est mon préféré parce qu'en fait, c'est des idées complètement folles. Mais le scénario a changé et ça, on doit beaucoup aussi au retour de Wes Craven. Parce que même si c'est pas son scénario définitif qui a été utilisé, tout s'est fait sur cette base-là. Il y a deux idées géniales que Wes Craven a apporté, c'est le retour de Nancy, Donc c'est une suite directe des Griffes de la Nuit, et c'est l'idée de ces enfants piégés de leurs rêves et envoyés dans un hôpital psychiatrique. Et alors ça, c'était très différent la manière dont c'était traité au départ. Dans la version originale du script, donc dans le film, il y a un enfant, enfin un adolescent qui se fait sortir les tendons et Freddy les utilise comme une marionnette. C'est une scène incroyable, vraiment hallucinante. Mais dans le script d'origine, il y avait cette scène où il était un petit peu manipulé comme une marionnette, sauf que Freddy était collé littéralement dans son dos et le caressait un petit peu. Donc c'est pas tout à fait la même ambiance. Oui, on retrouvait la dimension pédophile. Exactement. Et ce qui est intéressant avec le 3, c'est que c'est presque un film d'heroic fantasy ou un film épique. C'est un des premiers films d'horreur épique pour moi. C'est-à-dire que chaque scène de rêve est un morceau de bravoure. Et surtout, on introduit l'idée que les faiblesses psychologiques des enfants vont être utilisées comme des armes par Freddy. Oui, parce qu'il y a cette dimension, tout d'un coup, en plus, c'est le moment où on le voit beaucoup plus, parce que ce qu'on n'a pas encore vraiment dit, c'est que Freddy apparaît de manière assez limitée dans les deux premiers opus. Hein. On le voit pas énormément, on le sent plus qu'on ne le voit, mais dans Freddy 3, là, il est beaucoup plus incarné, et il est beaucoup plus en interaction avec ses victimes, mais c'est quelqu'un qui peut aussi bien vous tuer avec ses lames, mais surtout vous rentrez dans la tête et retourner vos propres névroses contre soi. Il y a cette dimension-là aussi de cerveau du crime chez Freddy. Bah, c'est un super vilain. À partir du 3, ça devient le super vilain. Et d'ailleurs, il est filmé comme ça, cette fameuse scène de fin où ça devient un squelette en stop motion, comme dans un film de Ray Harryhausen où on se bat contre lui. Il prend cette dimension-là du grand méchant, le boss contre qui il faut se battre et qu'il faut réussir à tuer de manière la plus spectaculaire possible pour que le film se termine. Donc oui, complètement, on a cette analogie super-héros, super-vilain, je pense, qui est claire dans le film. Anne-Pauline, c'est aussi le moment où le casting devient beaucoup plus important. Alors je sais que vous êtes sensible aux grandes familles du cinéma. J'avais dit que je passerais une référence à Fast and Furious. C'est incroyable, mais, très bien fait. Mais Freddy 3, c'est aussi une famille qui se crée de manière spontanée à l'écran. C'est ça, c'est-à-dire que dans les deux premiers, Freddy s'attaquait vraiment aux enfants de manière très isolée. On l'a dit tout à l'heure, c'est dans leur chambre, quand ils étaient à un moment donné isolés et qu'ils s'apprêtaient à s'endormir, ou même dans la baignoire. Et à partir de ce moment-là, on se retrouve avec des jeunes qui sont du coup collés les uns aux autres dans leur chambre d'hôpital, et du coup qui vont pouvoir s'allier ensemble, faire une espèce d'armée. Vous avez dit tout à l'heure les X-Men, c'est exactement ça. Moi, je le décris vraiment comme un X-Men film d'horreur, et ils vont pouvoir s'entraider, parce que du coup, en fait, là pour le coup, ils sont non seulement isolés de par sociétalement, puisqu'ils sont enfermés dans un hôpital psychiatrique, mais ils sont aussi isolés, enfermés dans des camisoles de force ou dans leur chambre. Mais en fait, dans leurs rêves, ils vont réussir à s'allier, trouver cette famille qu'ils n'ont plus dans la vraie vie. Et voilà, ouais, c'est le trope de la found family qu'on se fait sur le chemin, et malgré nos différences, on va s'allier pour battre le vilain Freddy. Et ça, je trouve ça absolument génial. C'est moi, ça fait partie de mes deux favoris. Le 3 aussi, je le trouve exceptionnel, parce que plus on le regarde, plus on peut y trouver des messages vraiment. Enfin, c'est tout le génie aussi de Wes Craven. C'est, il va aussi placer des choses intelligentes sur le traitement de la maladie mentale chez les ados et tout. Et du coup, je trouve que cet opus vous pouvez y trouver tout ce que vous voulez dedans. Et c'est ça, c'est le côté, les enfants dans l'adversité peuvent se retrouver. Enfin, les enfants, les ados peuvent se retrouver, utiliser leur super pouvoir. Et ça, je trouve ça vraiment. Et l'apparition d'un personnage noir qui survit. C'est vrai, et c'est très rare pour l'époque. Ken Sagoz, qui est le premier, effectivement, personnage noir qui survit dans un film d'horreur. Il l'a accepté pour ça, d'ailleurs. J'ai discuté avec lui pour le hors-série Mad Movies. Il en est encore très fier, franchement. Mais il peut, c'est incroyable. C'était vraiment, vraiment pas gagné. Donc, encore une grande qualité ajoutée à ce film. Et c'est l'arrivée de Patricia Arquette. Il y a quelques sacrés acteurs là-dedans. Il y a Laurence Fishburne, oui, qui joue un gardien, et il y a Patricia Arquette, effectivement, au tout début de sa carrière, qui ne reprendra pas son rôle dans l'épisode 4, parce que elle a tout de suite été en fait repérée par Hollywood après Freddy 3, et elle a compris que si elle continuait dans cette voie, elle allait être enfermée dans un rôle de Scream Queen. Il y a eu des actrices avant qui ont réussi à se sortir, par exemple Jamie Lee Curtis, qui a joué dans Halloween, Fog, Halloween 2, Le Train de la Terreur, etc. Oui, mais avant ça, il a fallu que John Landis, l'engage pour faire la voix off d'un court documentaire sur le cinéma d'horreur des années 50. Et pendant l'enregistrement, il s'est rendu compte qu'elle avait quelque chose et il l'a engagée pour un fauteuil pour deux. Sans ce petit documentaire sur le cinéma d'horreur, Jamie Lee Curtis, elle serait encore à faire que du cinéma d'horreur. Donc Patricia Arquette, voilà, c'est aller plus vite pour elle. Et voilà, c'est pour ça qu'elle n'est pas dans le 4. Évidemment, il y a aussi eu un changement entre le 1, le 2 et le 3. C'est les changements de maquilleur. Oh oui, alors ça, on peut en parler. Avec Gilles, on est allé voir Kevin Yeager dans son studio à Los Angeles. Kevin Yeager est arrivé sur Freddy au deuxième épisode. Il a fait le 2, le 3, le 4. Et David Miller a fait le 1, le 5, le 6, le 7. Donc il y a deux maquilleurs principaux sur Freddy, mais il y a trois visages de Freddy. Voilà. Il y a celui du 1, du 5 et du 6, qui sont relativement équivalents, peut-être moins bien faits que ceux de Kevin Yeager. Il y a celui du 7, où il a un look totalement différent, mais c'est voulu par le scénario. Et il y a celui de Kevin Yeager, où on dirait une vieille sorcière, avec le nez crochu. Il y a même des brûlures vraiment, qui ne sont pas réalistes, qui sont placées de façon très, oui, très expressionniste. La tête à pizza. Et c'est vraiment, c'est un maquillage absolument génial. Kevin Yeager préfère son maquillage sur le 2. Il trouve qu'il a vraiment bien maîtrisé ça. Moi, mon préféré, je pense que c'est le 3. Il faut savoir que Kevin Yeager, son frère avait joué dans V avec Robert Englund. Donc, ils se connaissaient déjà et ils sont forcément très bien entendus. Il était très jeune, en plus, Yeager, quand il était sur... Il était très jeune, il avait près de 18 ans, je crois. 17-18 ans sur La Revanche de Freddy. Et sur son maquillage, je trouve qu'il y a un côté BD, il y a un côté EC Comics, les bandes dessinées qui ont inspiré les contes de la crypte et Creepshow. C'est ce que tu dis, c'est pas du tout un visage de grand brûlé réaliste, comme on a essayé de faire ensuite dans le remake que tout le monde adore ici. C'est pas censé être réaliste. Ah, j'ai senti quand même qu'Anne-Pauline et DNN ne rejoignaient pas totalement dans la tête. Non, si elle adore le remake, je suis sûr. Non, il y a des problèmes sur le remake, mais en le revoyant, déjà c'est un pur jus de son époque. Ça, c'est clair et net, c'est vraiment... Et si on aime bien les films d'horreur des années 2000, bah on peut y trouver son compte. Enfin, moi, je trouve que la photographie et l'ambiance générale du film est très réussie. Y a des scènes que je trouve géniales, la scène du couloir avec le sang et tout. Je la trouve super, mais faut pas le prendre comme une suite, enfin un reboot de Freddy Krueger, quoi. Il faut vraiment le prendre comme un film de pur jus de son époque et pas prendre l'héritage qu'il y a avec, quoi. Mais parce que tout le reste est raté, la tête de Freddy ratée, enfin les acteurs sont ratés, parce que le casting est assez fou aussi dans celui-là. Mais voilà, c'est tout ce que je dirais comme compliment sur celui-là. Mais justement, Stéphanie Chaptal, là on est en train de parler d'une décennie entière de films d'horreur et de son évolution jusqu'aux années 2000. Comment vous avez vécu cette évolution justement entre ces films d'horreur dont on parle, qu'on a pu voir en VHS, qu'on regardait dans des soirées pyjama, et la manière dont l'horreur a évolué aujourd'hui. Moi, je sais que quand des fois je parle avec des gens qui ont une vingtaine d'années, ils vont me citer comme film d'horreur, ben voilà, Insidious, Annabelle, etc. Et moi, c'est vrai que quand on repense à ces films-là, on se dit waouh, on n'avait pas la même horreur du tout, hein. Je dévore les films d'horreur avec ma fille adolescente. Donc, elle a vu les Freddy avec moi. Elle a vu les vieux films d'horreur avec moi. On a regardé Insidious 1, le 2, le 3. Et on a regardé pas les Annabelle, mais la série précédente. Et okay. On n'a pas peur. Conjuring. Voilà, The Conjuring. On n'a pas peur. Après, moi, ce que j'aime pas, j'ai pas aimé dans les dernières, plutôt 2000-2010, c'est ce que j'appelle le torture porn, donc les oui. Human Centipede, les Saw et Hostel, ça c'est pas du tout ma gamme. Mais il y a de l'horreur actuelle qui marche bien. Faut aller la chercher, mais il y en a du très très bon aussi. C'est souvent moins drôle. Dans les années 80, c'est vrai qu'il y avait toujours un côté comique. Oui, oui. Et à quoi vous pensez dans l'horreur réussie de ces dernières années? Alors, je trouve pas que ce soit de l'horreur, mais j'aime beaucoup ce que fait Jordan Peele. J'aime oui. beaucoup le nouveau remake de Candyman. Oui, mais il est d'ailleurs produit par Jordan Peele aussi. Produit par Jordan Peele aussi, alors que j'adorais le premier Candyman et le remake est pas mal du tout. Et récemment, ce que j'ai bien aimé en horreur, il faut aller le chercher soit en Asie, soit dans l'animation. Ah, et en Asie, vous pensez peut-être à Strangers ? Je pense à Strangers, je pense à Dernier Train pour Busan, oui. qui est un des rares films de zombies que j'ai aimé, récent. Je pense à ce que fait la Corée avec Hellbound, qui peut être intéressant aussi. Il y a pas mal de choses intéressantes au Japon également. Oui, d'ailleurs, au fond, que ce soit Alice in Borderlands, l'adaptation de ce manga sur Netflix, qui présente ce jeu Battle Royale dans une cité tokyoïte, ou même Squid Game, on est dans une sorte de schéma slasher qui ne dit pas son nom, avec aussi des gens qui se font éliminer de manière atroce les uns après les autres. Sauf que simplement, aujourd'hui, on a l'impression que voilà, le slasher, le tueur incarné de l'époque, aujourd'hui, c'est presque un système économique et politique qui a remplacé le slasher. On tue beaucoup plus efficacement, les riches ou les puissants, que vous, avec votre masque de hockey. Mais c'est, en fait, dans les figures récentes de l'horreur qui ont marqué l'époque, vraiment notre époque récente, je dirais le Jigsaw, enfin de la saga Saw, et c'est vraiment le seul, enfin l'acteur, c'est Toby Kell, oui. Bell, je sais plus. Tobin Bell. Je confonds toutes les lettres, mais voilà. qui est un peu le pendant, voilà, de ce qu'étaient ces grands acteurs qui ont incarné les Freddy, les Jason, etc. C'est pour moi la seule incarnation, la dernière incarnation du grand méchant, de l'acteur qui incarne toute ta saga d'horreur. Aujourd'hui, on a plus l'impression que les studios veulent moins s'engager sur le côté saga. C'est peut-être aussi des raisons économiques et aussi parce que on fait plus confiance à peut-être à une création originale individualisée qu'à un ensemble quoi. You want to know who Fred Krueger was? Tu veux savoir qui était Fred Krueger? He was a filthy child murderer who killed. C'était un tueur, une saloperie qui a tué une vingtaine de gosses ici autrefois. Kids we all knew. Des enfants du quartier. Oh maman. It drove us crazy when on était tous morts de peur quand il était en liberté. It was even worse after they got him. Mais quand il a été pris, c'est devenu encore pire. Did they put him away? On l'a foutu en prison. The lawyers got fat. Ça a engraissé les avocats et le juge s'est fait un nom. Somebody forgot to sign. Il manquait une signature sur un des documents de police et il a été remis en liberté. What did you do, mother? Vous avez fait alors? A bunch of us parents tracked. Avec d'autres parents, on a recherché ce monstre après sa libération. We found him in an old abandoned boiler room where he used to take. On l'a trouvé planqué dans une chaufferie abandonnée où il tuait les gamins. Go on. Continuez. We took gasoline. On a apporté de l'essence et on l'a répandu sur le sol partout, avec une petite coulée jusqu'à la porte. Et on a attendu que les flammes aient tout brûlé. Alexandre Pensée, on vient d'entendre cet extrait de la révélation de la mère de Nancy sur Freddy. On voit comment les parents ont aggravé un problème en pensant le résoudre, en faisant justice eux-mêmes. Finalement, il y a quelque chose de très moraliste là-dedans. Oui, et ce qui est amusant, c'est qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de garder un souvenir. C'est presque fétichiste, c'est-à-dire que c'est un souvenir de leur vengeance. Elle a ramené le gant chez elle. Le gant, ce fameux gant. Et le gant est dans le cœur de la maison. Il est dans la dans la chaudière en bas. Et on peut parler peut-être du gant. Mais justement, c'est pour ça. Qui est quand même un élément déterminant. Qui a évolué d'un film à l'autre. Hein. On parlait de légende urbaine au début. Les Griffes de la Nuit, ça s'ouvre sur une petite vignette, un écran réduit. Un écran dans l'écran où on voit Freddy Krueger fabriquer son gant. Donc déjà, le personnage se résume à cet accessoire. Donc c'est Wes Craven qui a dessiné un doigt du gant pour montrer ça au superviseur du design, Jim Doyle. Jim Doyle a dessiné le gant complet et c'est Lou Carlucci qui l'a fabriqué. Faut savoir qu'il y avait, Lou Carlucci avait un assistant non crédité dans le film, qui s'appelait John Knoll. Voilà, John Knoll, au début de sa carrière, il faut savoir que John Knoll, 2 ans après, a été engagé par la société d'effets visuels de George Lucas, ILM, et John Knoll, quelques années plus tard, a créé Photoshop. Voilà, donc Photoshop, le gant de Freddy. bien. Vous avez votre petite anecdote pour briller dans les soirées mondaines. Le gant a été fabriqué pour le premier en plusieurs exemplaires, mais la version dure, il n'y en avait qu'une, la version avec des lames en acier. Il faut savoir que le gant, les lames sont très reconnaissables parce qu'elles descendent. Et en fait, Lou Carlucci a trouvé des lames de couteau qui me remontaient, il les a mises à l'envers sur le gant, et ça rendait bien. Donc voilà pourquoi on a ça. Dans le 2, ils ont tourné avec le gant, et un jour, le gant a disparu. Et donc, ils ont dû refabriquer. Et en fait, à chaque fois qu'ils ont refabriqué le gant sur le 3, 4, 5, etc., ils ont fait des petites modifications. En 2017, dans une conférence de presse dans la convention Monsterpalooza, je crois, Robert Englund a avoué que c'est lui qui avait piqué le gant sur la revanche de Freddy. Il avait vu personne. Il a vu le gant. Il l'a pris. Il l'a mis dans du papier journal. Il l'a ramené chez lui. Donc, il l'a toujours chez lui. Non, et alors, j'ai lu votre livre, justement. Il dit que c'est son agent qui veut pas lui rendre. Ah, c'est son agent? Oui, c'est son agent. Il l'a donné à son agent et son agent ne veut pas lui rendre. Je l'ai écrit il y a trop longtemps. Voilà. Et oui, ça m'avait marqué parce que c'était, parce que il avait voulu il l'a piqué parce que il y avait des gens qui traînaient sur le tournage et il y a justement une autre légende urbaine qui a commencé en disant ils vont piquer le gant. Et donc il s'est dit, moi je veux pas, je vais le piquer avant eux. Et il l'a passé à son agent pour le protéger et l'agent, au bout d'un moment, a dit non. Moi, je te le rends pas. C'est comme ça qu'on a perdu ce gant. Voilà, fameux... gant qui doit valoir une fortune aujourd'hui. C'est le gant du premier. Et alors, il nous reste encore très peu de temps, mais pour parler. Alors, évidemment, on n'a pas parlé de l'arrivée de Rémy Harlin, ce réalisateur. Et une anecdote très drôle, c'est que Rémy Harlin venait de réaliser son premier film qui avait coûté $1 million, qui s'appelait Prison, avec Viggo Mortensen, futur Aragorn du Seigneur des Anneaux. Et Rémy Harlin était fauché, plus fauché que tout le monde. C'est-à-dire que sur le film, il avait une voiture toute pourrie. Son chef décorateur, il arrivait en grosse voiture. Et Rémy Harlin a vécu dans un motel pendant un moment après Prison. Et il savait qu'un Freddy allait se tourner. Il y avait une grève des scénaristes. Et tous les jours, il allait chez New Line et il insistait pour qu'on lui confie les rênes de Freddy 4. Et il sentait mauvais. On voyait qu'il ne se changeait pas. Et Sarah Richer, la coproductrice, a eu un petit peu pitié de lui et a insisté auprès de Robert Shea pour que au moins il considère un petit peu sa proposition. Et Robert Shea s'est dit, il est grand, il a l'air costaud, peut-être qu'il tiendra tout le tournage. Ça tient un peu de choses, en fait. Rémy Harlin, même pas un an après, il était avec un film qui a rapporté $50 million au box-office américain. Il était convoité par Joel Silver, le producteur de 58 minutes pour vivre. Ça a changé sa vie. Donc, une fois de plus, Freddy a été une sorte de rampe de lancement vers autre chose. Et il y a aussi cet élément qui est arrivé au bout d'un certain temps, qui est le retour de Wes Craven pour ce dernier opus, qui finalement préfigure ce qui va être fait dans Scream, qui est complètement une mise en abîme du cinéma et de ses règles. Ah ouais, d'ailleurs, il a dit lui-même, s'il n'avait pas fait Freddy sort de la nuit, il n'aurait sans doute pas fait Scream, parce que Scream, c'est l'étape d'après. C'est une réflexion sur le monde du cinéma. Donc, il a vu la saga qu'il avait initiée partir dans tous les sens. Il ne s'est plus du tout reconnu dedans. Il s'est dit, en fait, pour la plupart des gens, Freddy, c'est un type avec des griffes et qui tue des gens qui veulent pas dormir. Donc, il a repris les choses en main. Et il a fait un film méta, on peut dire. C'est-à-dire un film dans lequel les acteurs et lui-même jouent leur propre rôle, mais jouent aussi leur personnage. Et il s'est dit, ce qui serait intéressant maintenant pour faire un nouveau Freddy, un ultime Freddy, c'est un Freddy dont les personnages sont des gens qui font des films. Qui font des films d'horreur. Et ensuite, réflexion d'après, lorsqu'il a fait Scream, c'est maintenant, les personnages sont des gens qui regardent les films d'horreur. Donc dans les deux cas, on rend les spectateurs encore plus complices, puisqu'on les fait rentrer dans les coulisses, et on leur dit, regardez, les personnages vous ressemblent. Dans Scream, ils vous ressemblent encore plus, puisque vous regardez un film que eux-mêmes aiment regarder. Vous connaissez les codes, mais eux aussi les connaissent. Et grâce à Freddy sort de la nuit, il a pu aller. Donc Freddy sort de la nuit, c'est quand même très osé, il fallait aller assez loin, et je trouve, moi, que c'est l'un des Freddy, peut-être pas les plus aimés, mais les plus intéressants après le tout premier. Oui, tout à fait. Et alors, il y a un Freddy qu'on ne verra jamais, mais qui aurait pu être très intéressant, c'est celui de Peter Jackson. Oui, pour Freddy 6. Alors, Freddy 6, la fin de Freddy, c'est le plus mauvais de toute la saga. Hein. Pas s'en cacher. Il y a 10 minutes en 3D à la fin, qui était déjà irregardable à l'époque. Donc, voilà. Mais À la base, en fait, Marc Ordesky, qui était un petit cadre qui venait d'arriver chez New Line, lié d'amitié avec Peter Jackson. Peter Jackson qui avait réalisé Bad Taste et Les Feebles, deux films d'horreur, dont un film de marionnette, une parodie du Muppet Show complètement trash. Et Peter Jackson est venu aux États-Unis à loger chez Marc Ordesky, futur coproducteur du Seigneur des Anneaux. Et les deux ont travaillé sur un concept de scénario. Et en fait, l'idée, c'était que Freddy était tellement faible, plus personne n'avait peur de lui, que tout le monde le tapait. Que tout le monde allait, tous les adolescents d'Elm Street allaient dans leurs propres rêves pour aller harceler Freddy. Et un jour, par accident, Freddy réussissait à tuer quelqu'un. Et résultat, il reprenait de la force et il revenait. Script conceptuel digne de l'auteur de Fantôme contre Fantôme. Oui. Et ça ne s'est pas fait parce que Robert Shea n'avait pas aimé Bad Taste et Les Feebles. Il a préféré partir sur le projet de Rachel Talalay, qui était une productrice qui avait travaillé même, je crois, à l'époque des Griffes de la Nuit, sinon au moins depuis la Revanche de Freddy. Elle était sur la saga depuis quasiment le début. Voilà, elle était coordinatrice de production et en fait, elle voulait quelque chose, elle, qui ressemblait beaucoup à Twin Peaks, qui était le grand événement du moment, le phénomène. Donc, ils sont allés dans cette direction. Eh bien, voilà, comme quoi, des fois, on n'a pas du nez sur tout. C'est ça. C'est malheureusement la fin de cette émission. Stéphanie Chaptal, Anne-Pauline, Alexandre Poncet, Gilles Ponceau, merci beaucoup. Merci d'avoir évoqué Freddy. L'émission a été réalisée par Étienne Bertin, que je remercie du fond du cœur. Elle a été préparée par Benjamin Ducy, que je remercie lui aussi avec mon cœur sanguinolent. Et un grand merci à Pauline Leverdure, à la technique aujourd'hui. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou en parler sur Twitter avec moi avec le hashtag BlockbusterEFI. Et on se retrouve dans 15 jours pour parler de mon jeu vidéo favori et du studio Platinum Game avec la grande Bayonetta. Je crois qu'on a besoin de ces films. Quel besoin ? Ouais, quelque chose que les jeunes peuvent s'approprier. Vous vous souvenez pas ? Sérieusement, repensez à vos vieilles Reebok, comment vous étiez quand vous aviez 16 ans. Oui, mais pas les trucs qui font peur. Ça me fait mal de vous le dire, Freddy, mais je ne peux pas aller voir vos films. J'ai trop peur. Et c'est pas grave. Vous savez, il y a toutes sortes de films qu'on ne va pas voir. J'ai pas très envie d'aller voir Jill Clayburgh qui prend du Valium. Mais il y a clairement un public pour ça aussi. C'est juste un film pour quelqu'un d'autre. Blockbuster est un podcast original de France Inter.